exposition sur quelqu'un de vivant, puisque Germaine Tillon vit pas très loin d'ici, à Saint-Mandé. Et puis pourquoi, dans un centre comme le mien, un centre d'histoire de la résistance à la déportation, faire une exposition qui a un champ historique aussi large? Eh bien parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que nos jeunes visiteurs, mais pas seulement les jeunes, ont un peu de mal à situer ces événements historiques qui datent de 60 ans dans ce 20e siècle extrêmement touffu, ont un peu de mal à rentrer dans le sujet parfois, et qu'il est vraiment important de resituer les choses dans leur temps long et de resituer les engagements dans des parcours de vie. Et à cet égard, le parcours de Germaine Tillon m'a semblé absolument lumineux dans tous les sens du terme. Et M. Tétot a parlé du support des arts. On avait là le support, différents supports produits par Germaine Tillon elle-même, le support de l'ethnographie, puisqu'elle est avant tout ethnologue et qu'elle l'a été tout au long de son parcours. Elle est ethnologue quand elle est envoyée en 1934 dans l'Aurès, mais elle l'est toujours quand elle arrive en 1943 à Ravensbrück et quand elle l'analyse pendant 10 ans après sa libération. Cette approche-là, une approche humaniste, était tout à fait intéressante pour traiter du sujet de la déportation dans un centre aussi emblématique que celui de Lyon, puisque vous savez qu'il est installé dans les anciens locaux de la Gestapo lyonnaise. Et puis, l'engagement de Germaine Tillon ne s'arrête pas, bien sûr, en 1945. Il va continuer ensuite, puisque, comme vous le savez, elle a été fortement engagée dans la guerre d'Algérie, sans parti pris jamais, si ce n'est celui de prendre le parti de l'humain. Donc cette exposition avait initialement 3 grandes parties, mais un seul fil directeur qui est le travail de Germaine Tillon lui-même. C'est-à-dire que dans une première partie, on va parler de son travail d'ethnologue sur le terrain. Entre 1934 et juin 1940, Germaine Tillon travaille dans l'Aurès, à l'époque qui est située dans le département de Constantine, donc un département français. Elle est chargée d'une étude ethnographique sur les populations Chaouya. Elle va apporter de cette expédition une série de photographies tout à fait extraordinaires et qui a été publiée en 2000 aux éditions de la Martinière, qui a permis vraiment de donner un éclairage tout à fait nouveau sur le travail de Germaine Tillon, qu'on connaissait, en tout cas nous les historiens, plutôt sous l'angle de l'analyse de Ravensbrück. Donc dans cette partie-là, vous verrez une très faible partie des photographies de Germaine Tillon. On a dû faire, Guy Crivo-Pisco et moi, des choix assez terribles pendant l'accrochage, puisque là, il y a une vingtaine de photographies, alors qu'à Lyon, l'exposition faisait plus de 220 mètres linéaires. Là, on a à peu près 70 mètres. Vous voyez que le choix est assez terrible. On a quand même essayé de respecter les grands axes de son travail, à savoir un travail sur les habitants, l'organisation sociale de la population Chaouya, un travail sur l'autorité et le pouvoir, alors autorité mixte, évidemment, puisque à l'époque l'Algérie est une colonie française, et puis un travail sur, alors très ethnographique du coup, sur les fêtes. Alors il se trouve que Germaine Tillon a un vrai talent de photographe, qu'elle avait de surcroît un bon appareil, donc les tirages sont excellents, sont très émouvants aussi, puisque c'est des paysages que beaucoup d'habitants du Val-de-Marne, mais aussi de Lyon connaissent pour des raisons diverses. Et ça a été une porte d'entrée assez importante pour un certain nombre de nos visiteurs pour aborder la deuxième partie de cette exposition qui est plus attendue, qui est celle de consacrer à la résistance et à la déportation de Germaine Tillon. Donc Germaine Tillon, je voulais dire, rentre en France le 9 juin 1940. La date est symboliquement importante. Et elle trouve évidemment la France dans l'état que vous pouvez imaginer. Elle était quand même au courant, évidemment, des événements historiques, mais je pense que, comme tous les Français, elle a ce choc terrible de la défaite. Elle est d'ailleurs prise dans l'exode pendant un temps. Et immédiatement, elle est de ceux rares qui vont chercher à faire quelque chose. Elle fait partie de ces pré-résistants, donc qui s'engagent très vite. Malheureusement, ceux qui s'engagent très vite sont aussi ceux qui vont être réprimés très vite. Son réseau, qu'elle va appeler ensuite le réseau du Musée de l'Homme, mais qui n'est pas encore nommé, tout simplement, il est constitué de son environnement professionnel, qui est celui des ethnologues du Musée de l'Homme, avec de belles figures comme Boris Vildé, dont on peut lire les dernières lettres dans une publication récente. Et rapidement, donc, ce réseau va éditer un petit journal qui s'appelle Résistance. Les membres du réseau avaient souhaité l'appeler Libération, mais ils ont trouvé que c'était un peu tôt. Évidemment, en décembre 40, c'était définitivement tôt. Germaine Tillon est arrêtée en août 1942, internée pendant très longtemps, notamment à Fresnes. Sa mère est arrêtée en même temps qu'elle. Et puis, elle est condamnée à mort. Sa peine est commuée en une peine de déportation, ce qui n'a pas de réalité très sensible encore pour elle cet automne 1943. Mais elle va très vite comprendre, à son arrivée à Ravensbrück, qu'elle est tombée dans un système assez infernal. Et immédiatement, elle va essayer de comprendre ce système. Non seulement elle essaie de le comprendre, mais elle essaie aussi de l'expliquer à ses compagnes. Ça, c'est tout à fait important. Elle dit d'ailleurs, c'est tellement important de comprendre ce qui vous écrase. Pour mieux résister, pour mieux vivre, survivre, il faut accepter l'idée de comprendre le système dans lequel on est plongé, aussi dur soit-elle, et même si la compréhension aboutit à la conclusion que l'oppresseur veut vous exterminer. Donc, alors qu'elle est à Ravensbrück, elle engage cette étude ethnographique tout à fait extraordinaire, dont elle parvient à rapporter des petits billets dont vous trouvez les facsimilés derrière vous. Alors à la fois, ce sont ces carnets, des pages de carnets qu'elle va écrire à Ravensbrück. Ce qu'on présente là, ce sont les derniers, qui datent de mars 1945, qui sont très émouvants puisque c'est l'époque où elle va perdre sa mère, avec laquelle elle avait été déportée. Elles parviennent à rester ensemble assez longtemps, jusqu'à cette fin, ce printemps 45, où la répression se fait de plus en plus féroce, et où les nazis vont exterminer les plus faibles, et notamment la mère de Germaine Tillon, qui est jugée trop âgée pour travailler. Elle analyse notamment l'aspect économique du camp. On en reparlera, si vous voulez, plus longuement demain. Ayant compris, par exemple, que c'est Himmler lui-même qui est propriétaire des terrains sur lesquels est construit le camp, qui loue à l'État allemand et qui en tire donc un bénéfice non négligeable. Donc on aborde différents sujets, notamment la solidarité qui est très importante dans les camps. Et puis, toujours cet angle d'attaque qui est celui de l'étude. C'est-à-dire que Germaine Tillon, libérée en 1945, et puis à la Suède, va immédiatement s'engager dans une étude qui va l'amener pendant presque 10 ans à s'intéresser, elle qui est grande spécialiste du Maghreb, qu'à Ravensbrück. Première étape, la publication en 1946 du premier Ravensbrück, dans les cahiers du Rhône, qui sera suivie de 2 autres publications, puisque toujours elle remet son métier et son ouvrage pour le rendre le plus actuel possible. Donc une partie importante sur la mémoire et l'histoire de Ravensbrück qu'elle va construire pas à pas, notamment au sein de l'ADIR, association dans laquelle elle va être très engagée. Et tout en chemin faisant, elle se trouve à croiser le travail de David Rousset, par exemple, et va être amenée à dénoncer tous les systèmes concentrationnaires, et puis à s'engager contre la torture en général. En 1954, l'histoire la rattrape, elle est rappelée en Algérie, alors qu'elle est toujours engagée, elle a perdu sa mère en déportation, donc pour elle, c'est quelque chose dont elle aura du mal à sortir. Et en 1954, son vieux maître, Louis Massignon, fait en sorte qu'elle soit envoyée en mission en Algérie, où les événements commencent à devenir inquiétants. Elle retourne donc, presque 20 ans après sa première mission en Algérie, elle retourne dans les Aurès, elle revoit des gens qu'elle a connus, et là elle constate une grande précarisation des populations, découvre des choses qui lui avaient échappé, par exemple le massacre de Sétif du 8 mai 1945. Quand elle part, elle est persuadée que l'Algérie ne peut être que française, en 1954. En 1957, son idée a légèrement été modifiée. Elle a compris que cette certitude allait devoir être mise à mal, puisque l'indépendance de l'Algérie se fait inéluctable. Et à partir de là, elle va s'engager contre la torture en Algérie, quitte à prendre des coups, évidemment, figurés. Et puis, Germaine Tillon va reprendre, partie qui n'apparaît pas dans l'exposition faute de place, va reprendre ses activités d'ethnologue, s'intéressant notamment au sort des femmes, très important pour Germaine Tillon, dans le bassin méditerranéen au sens large, mais aussi sur le versant sud du Sahara, donc en pays Touareg. Et là aussi, on a découvert à l'occasion de l'exposition d'ex très très intéressantes photographies en couleur du coup du monde Touareg qui complétaient à Lyon ou dans d'autres lieux d'itinérance cette exposition. Donc toujours ce regard humaniste, toujours cette nécessité de justice, de rigueur scientifique qui m'a semblé intéressant de mettre à disposition de tout le monde, de faire découvrir au plus grand nombre. Et je dois dire que l'exposition fonctionne très bien. C'est d'ailleurs intéressant, le Centre d'histoire de la résistance de Lyon propose à l'itinérance un certain nombre d'expositions. C'est cette exposition qui fonctionne de très très loin le mieux, beaucoup mieux qu'une exposition qui pourrait sembler plus classique sur Jean Moulin par exemple, parce que le public est sensible à cette multiplicité des facettes de Germaine Tillon, est sensible à cet amour de l'humain qu'on sent partout, qu'on sent dans les photos de Lorès, qu'on sent dans les photos des Touaregs, et qu'on sent aussi dans les travaux sur Ravensbrück, cette Germaine Tillon qui n'a pas hésité à venir témoigner à décharge dans un procès, donc à décharge pour des gardiennes de Ravensbrück qui étaient accusées de sévices qu'elles n'avaient pas commis. C'est assez étonnant. Ce sont des femmes qui l'ont fait un mal qu'on imagine, un mal fou. Et pourtant, elle est venue les défendre parce qu'elles étaient accusées de quelque chose qu'elles n'avaient pas commis. Et ça lui semblait absolument intolérable. Donc cette quête de la justice, je crois qu'elle méritait vraiment d'être soulignée.